Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 27. De la cause de l'amour. Que les causes de l'amour sont, le bien, cause fondamentale, la connaissance, la ressemblance, que, toute passion suppose quelque amour, bien qu'un amour particulier puisse être causé par certaines passions. 1. Le bien est-il la seule cause de l'amour? L'amour a pour cause son objet même, qui n'est autre que le bien. La passion de l'amour implique, en effet, comme nous l'avons vu, une certaine convenance entre le sujet aimant et l'objet aimé. Or, cette convenance, qui se traduit par la complaisance du sujet dans l'objet de son amour, c'est le bien même des êtres, qui veulent tout ce qui leur est naturel et proportionné. Le bien, voilà donc la cause propre de l'amour. Note. Le mal n'est aimé qu'à raison du bien qui lui est adjoint, ou parce qu'on le prend faussement pour le bien. Or, tout amour qui ne tend pas au véritable bien est mauvais. Le psalmiste a pu dire en ce sens-là, « Celui qui aime l'iniquité est son âme. » L'iniquité procure certains biens, tels que les plaisirs, l'argent, et autres. Fin de la note. 2. La connaissance est-elle cause de l'amour? Nul, selon la remarque de saint Augustin, ne peut aimer ce qu'il ne connaît pas. L'amour exige, en effet, la connaissance du bien que l'on aime. La vision corporelle est le principe de l'amour sensitif, la contemplation, le principe de l'amour spirituel. La connaissance est la cause de l'amour, par cela même que le bien qui en est l'objet ne saurait être aimé sans être connu. Note. On nous objectera, peut-être, que l'on s'applique par amour à certaines sciences sans les connaître. Celui qui aime une science ne l'ignore pas entièrement, il la connaît déjà en général, soit par ses effets, soit par les éloges qu'on lui donne. Faisons observer, à cette occasion, que la perfection de la connaissance, qui appartient à la raison, requiert des choses que n'exige pas la perfection de l'amour. On peut aimer parfaitement ce que l'on ne connaît qu'imparfaitement. Cette remarque est applicable à l'amour de Dieu. Fin de la note. 3. La ressemblance est-elle cause de l'amour? La ressemblance en vertu de laquelle deux êtres possèdent actuellement et réellement la même chose produit l'amour d'amitié ou de bienveillance. Toute créature vivante aime son semblable. Ecclésiastique 13:15. La raison de cette amitié est que, ces deux êtres n'en faisant pour ainsi dire qu'un seul sous la même forme, l'affection de l'un se porte vers l'autre pour lui vouloir le même bien qu'à lui-même, comme s'il n'était réellement qu'un avec lui. La ressemblance qui ne repose que sur la puissance d'acquérir ce qu'un autre être possède, produit l'amour de concupiscence. Tous les êtres s'aimant eux-mêmes plus qu'ils n'aiment les autres, aussitôt que l'un d'eux s'aperçoit que la ressemblance qu'il a avec un autre l'empêche d'atteindre le bien qu'il désire, il prend à dégoût cet autre être, non parce qu'il lui ressemble, mais parce qu'il l'empêche d'obtenir son bien propre. De là les inimitiés entre les gens d'un même état, qui se nuisent mutuellement dans leur profit, de là surtout les querelles des orgueilleux, qui s'empêchent les uns les autres d'obtenir la supériorité qu'ils ambitionnent. Note. Un bon chanteur aime un bon écrivain par similitude de proportion, en ce qu'ils ont l'un et l'autre ce qui convient à leur art. L'homme qui aime ce dont il a besoin ressemble à ce qu'il aime, comme la puissance ressemble à l'acte. Si un avare aime les hommes généreux, et un impie les hommes vertueux, c'est qu'ayant en eux les principes primordiaux de la vertu, Ils admirent ceux qui, par conformité à la raison naturelle, les mettent en pratique. Fin de la note. 4. Quelque passion est-elle la cause de l'amour? Toutes les passions impliquent un mouvement vers un objet, en vertu d'une certaine harmonie qui, au fond, appartient à l'amour. Cela est vrai même de la haine, qui suppose l'amour. Ce serait donc en vain que l'on voudrait trouver quelque passion qui fût la cause totale et universelle de l'amour lui-même. Si vous me disiez qu'une passion est la cause particulière d'un certain amour, je ne m'y opposerais pas. Ainsi un bien est la cause d'un autre bien. En ce sens-là, l'espérance produit ou augmente l'amour par le plaisir qu'elle donne et par le désir qu'elle excite. Cependant, elle suppose elle-même un bien déjà aimé. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.